nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si je vous dis Bernard Herrmann, vous me répondrez Alfred Hitchcock, Nino Rota, Federico Fellini, Ennio Morricone, Sergio Leone ou encore Michel Legrand, Jacques Demy. Ils sont nombreux dans l'histoire du cinéma, ces duos formés par un compositeur et un réalisateur auxquels le nom reste attaché. Dans cette longue lignée, le couple formé par Danny Elfman et Tim Burton compte parmi les plus singuliers et les plus productifs. Scellé dès le premier long-métrage de Burton, leur collaboration se poursuit depuis plus de 35 ans, de Beetlejuice au tout récent Dumbo, en passant par les deux premiers Batman, Édouard aux mains d'argent, Mars Attaque, Alice, ou encore l'étrange Noël de Monsieur Jack, personnage auquel Elfman, également chanteur de talent, prêta sa voix. En 2013, pour l'Atelier de la création, Alexandre Tilski et Véronique Lamandour analysaient les raisons pour lesquelles la musique de l'un se mariait si délicieusement à l'univers gothique et poétique de l'autre. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 janvier 2013. Légèrement, ou je sais pas si vous vous souvenez de la musique, si vous avez... Ceci quand même. Ça va, vous êtes à côté des micros? Ouais. Bon, on est hors sujet là. Vous êtes en face de vos micros. Olivier Desbrosses, Rafik Djoumi, Tim Burton, Danny Elfman. Là on a le générique d'ouverture. Bon. Danny Elfman et Tim Burton, deux saltimbanques à Hollywood. Tim Burton, lorsqu'il a débuté au studio Disney, ne s'attendait certainement pas à devenir un jour un des principaux réalisateurs du système hollywoodien. Et de son côté, quand Elfman se lançait dans les délires de Oingo Boingo, je pense qu'il devait se voir comme un musicien itinérant qui allait passer de cabaret en cabaret jusqu'à la fin de ses jours. Et lui non plus ne se voyait pas devenir un des compositeurs hollywoodiens les plus demandés au monde. Donc c'est des types qui, comment dire, ce ne sont pas des carriéristes, je pense. Et ils ont apporté au système hollywoodien voilà, ce goût d'un univers de saltimbanque. J'allais dans les clubs où tu jouais, à l'époque où je n'avais pas trop de boulot. Je te connaissais avant que toi, tu me connaisses. Moi, la première fois que j'ai rencontré Tim, c'est quand on m'a appelé pour la musique de Pee-wee. Je connaissais ta musique depuis longtemps, mais c'était ma première occasion de travailler avec toi. Ce qui est amusant, c'est qu'on aurait pu se rencontrer dans les couloirs de l'école CalArts. On a sûrement dû se croiser plusieurs fois, mais sans jamais se rencontrer. Dans le département animation, on entendait souvent de la musique au loin, sans savoir que c'était toi. John Lasseter m'a dit des années plus tard que ma musique le rendait dingue. D'abord, Danny Elfman vient plutôt du monde de pop-rock avec son groupe Oingo Boingo, mais qui était un groupe déjà assez hétéroclite, même s'il est dans une esthétique assez post-punk. Philippe Gonin. Avec des choses qui font penser à du ska, il y a des racines assez nombreuses. Et la première expérience, à ma connaissance en tout cas cinématographique de Elfman, avec Oingo Boingo, c'est Forbidden Zone, le film de Richard Elfman. C'était un petit peu une affaire de famille, cette affaire-là. Un film underground, on voit que c'est du petit budget, mais on sent déjà une atmosphère qui se met en place. Une atmosphère qu'on va retrouver après chez Burton, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on retrouve plutôt le côté burlesque, cabaret, qui fait partie du monde de Elfman dans la musique de film. Parce qu'on peut quand même dire qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs univers. Le cabaret, comme je l'ai dit, un univers qui est proche de Kurt Weill, un univers qui est proche du rock ou de la pop ou du ska, des choses, le générique de Forbidden Zone, moi, me fait penser à XTC, beaucoup, un groupe assez intéressant d'ailleurs, qu'on néglige un peu aujourd'hui. Il y a aussi le monde évidemment symphonique, le monde gothique, il y a les influences après de Herman, de Williams, des choses comme ça, parce que si on prend par exemple le générique de Batman, c'est du John Williams quelque part. Cette espèce de thème symphonique, alors avec tout l'héritage évidemment du symphonisme des années 30, qu'on retrouve aussi chez Williams. Mais tous ces univers, à mon sens, ne sont pas parallèles. Comme le dit Burton dans ses entretiens, il dit « Je ne réfléchis jamais en termes de clarté et d'obscurité, pour moi les deux sont mêlés. » Et je crois que les choses sont assez mêlées chez Elfman aussi. C'est-à-dire qu'on peut partir sur une musique burlesque et d'un seul coup, par l'orchestration, par une mélodie, par quelque chose de particulier, on va se retrouver dans le monde gothique ou sombre. Alors qu'on était avant plutôt dans une sorte de joie, même si elle est tendue parfois, cette joie-là. Je prendrais comme exemple les morceaux qui partent un petit peu comme ça sur une dynamique très rythmée, et puis d'un seul coup on va avoir l'apparition de ces signatures musicales de Elfman que sont le carillon et les chœurs. Les chœurs sans parole, qu'on retrouve de manière quasi systématique et qui vont, et puis surtout les voix angéliques, les voix très, très haut perché comme ça, qui vont donner une coloration à l'ensemble et une coloration à l'image aussi, qui me semble être intéressante. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'utilisation du chœur chez Elfman, en particulier chez Burton, qui l'utilise d'une façon peut-être plus frontale que ce qu'on voit habituellement en musique de film. Il utilise le chœur exactement comme un autre instrument. Comme si c'était un instrument supplémentaire. La voix humaine, pour lui, est exactement placée à un même niveau que n'importe quel autre instrument de l'orchestre. Listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear. I'll tell you a story, make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. You might try high and you might try brave, but we all end up the remains of the day. Je crois que c'est surtout d'abord lié au cinéma de Burton, cette volonté de faire des choses qui sont chantées. Et donc il a effectivement, avec un personnage qui est habitué à écrire des chansons, il est tombé sur le bon personnage. Et effectivement, dans Charlie et la chocolaterie, on est dans la pure manipulation studio, parce que c'est lui qui fait toutes les voix. J'ai l'impression qu'ils sont démultipliés comme ces petites créatures dont j'ai oublié le nom, qui sont des multiplications numériques en fait du même personnage. Lui, il se démultiplie et puis fait toutes ses voix, les voix aiguës, les voix normales, les voix graves, c'est lui en permanence. Bon, c'est une technique de studio qu'on connaît, hein. C'est pas non plus complètement original en soi, mais voilà, ça donne une dimension aussi assez amusante à cette musique-là. Dear visitors, it is my great pleasure to welcome you to my humble factory. À l'époque, je ne sais pas s'il le fait encore, mais justement à l'époque de Batman et d'Edouard Norton Argent, de ce que j'avais compris de la méthode d'Elfman, c'est qu'il se faisait projeter un premier montage du film et il avait un magnétophone à disposition dans lequel il sortait pratiquement des onomatopées, comme une espèce d'improvisation musicale, où il maugrait des choses comme ça, une sorte d'aide-mémoire pour lui en fait, mais un aide-mémoire qui rend compte des émotions qu'il pense être en train de ressentir à ce moment-là en fait. Donc on est vraiment dans une écriture qui est complètement déterminée par un ressenti, je dirais assez basique, pas vraiment, ça ressemble pas à une approche très savante de la musique. It's the first time ever I saw a mock-up first screening. Je me souviens de la première projection du générique de Mars Attacks avec l'invasion des soucoupes. In the beginning. You see the one to many. And I've never had this happen since where I saw a title sequence and I heard the exact piece in my head. C'est la première fois qu'en voyant un générique, j'ai entendu dans ma tête la partition exacte avant même de l'avoir écrite. I ran out in the lobby. Je suis sorti aussitôt de la salle pour aller dans le hall avec mon magnétophone. Depuis des années, j'en ai un avec moi, même en voiture, pour conserver mes idées. Bref, ce jour-là, j'ai fredonné chacune des notes que j'avais en tête. Where? From your car to you? No, from that screening. Yeah. And in the lobby, I just laid out a bunch of notes, ran home, and I did the piece, and it's... Et rentrant chez moi, j'ai tout joué exactement comme je l'avais entendu. D'habitude, je dois lutter péniblement pendant des semaines pour trouver un thème. Ce fut la seule fois que j'entendis immédiatement la pulsation et son développement. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça, je le tiens, c'est ce thème-là. Oh my God, that's actually it. Attaque, c'est significatif pour ça d'une certaine influence de Herman et en particulier de, du jour où la Terre s'arrêta. Le film de Robert Wise de 51, pas celui qui était fait beaucoup plus tard, où on a musicalement et d'une manière orchestrale ces deux plans entre ce qui va ancrer la musique dans une certaine tradition symphonique, alors on a surtout des cuivres graves, des choses comme ça dans le générique, et puis ces sons qui voudront faire futur avec le Theremin. Et on va retrouver ça chez Elfman dans le générique de Mars Attacks. Mais en termes de composition, Herman était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, alors qu'Elfman est beaucoup plus foisonnant et beaucoup plus, on va dire, bordélique. C'est pas très gentil de dire ça. Shut up! Shut up! Shut up! Now. En fait, après son passage en France, il a passé beaucoup de temps en Afrique. Il est rentré aux États-Unis parce qu'il avait... il avait attrapé le palu et donc il a quitté l'Afrique, mais il en a gardé un goût pour les percussions qu'il a développé avec les années. Il a beaucoup voyagé et il a littéralement des pièces entières chez lui qui sont remplies de percussions de partout dans le monde et qu'il utilise évidemment dans ses compositions. Et il est allé expérimenter de plus en plus dans ce sens-là en termes de percussions jusqu'à faire un ou deux scores qui étaient essentiellement construits uniquement là-dessus. Et de nourrir ses collègues par la même occasion, parce que je crois que c'est John Scott qui nous avait raconté que James Horner devait enregistrer une partition après que Danny Elfman ait enregistré dans ce même studio, et Horner avait vu les percussions qu'Elfman avait fait venir d'on ne sait trop quel pays, et avait décidé de les intégrer immédiatement à sa propre partition. Donc il fait aussi office de défricheur pour ses collègues. La façon dont il travaille avec son orchestrateur principal, qui est Steve Bartek, qui vient du même milieu que lui, puisqu'ils étaient tous les deux dans un groupe de rock qui s'appelait Ungo Bongo, avant de commencer à travailler pour le cinéma, c'est que c'est bien Elfman qui écrit toute la musique, toujours. Il n'y a pas de travail de nègre, comme il a été parfois suggéré par certains, et comme c'est encore suggéré parfois maintenant, malgré la carrière qu'il a derrière lui. Ce que raconte Steve Bartek, c'est qu'Elfman lui fournit tous les thèmes, toutes les idées, mais une matière très brute et en général trop foisonnante. Il y a trop de choses qui vont, si on les met en application tel qu'il les donne, ça va être complètement anarchique. Donc le travail de Bartek, c'est d'enlever ce qui ne fonctionne pas avec le reste. Donc ils en parlent, et Bartek ensuite lui prend en charge véritablement les orchestrations. Mais ce que fournit Elfman à la base, c'est plus que ce qu'on entendra au final. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur tous les films qu'ils ont fait ensemble, c'est-à-dire, je crois, tous sauf Sleepy Hollow. Et c'est vrai qu'Elfman a quand même une tendance assez prononcée à expérimenter aussi. Il le fait beaucoup à l'écriture, mais il le fait aussi beaucoup pendant les prises de son, durant les sessions d'enregistrement. Il y a certains films où il y a eu énormément de prises avec des instruments différents, et on n'a qu'un bref aperçu finalement dans la version finale de ce qui a été testé pendant les sessions. Elfman a réussi à trouver sa couleur, on en parlait tout à l'heure, et je crois que même lorsqu'il fait des choses pour d'autres personnes ou pour d'autres médias comme la télévision, il y a une couleur elfmanienne assez nette. Les Simpsons ou Desperate Housewives, c'est manifestement quelque chose qui est dans cette couleur-là. Et on retrouve encore les carillons, des choses comme ça, même si on ne retrouve pas systématiquement les voix, cette fois dans les génériques pour la télévision. Mais on a cette couleur elfmanienne très, très claire dans l'orchestre. Good morning, starshine. The Earth says hello. Danny Elfman peut faire de la musique sans Burton, puisqu'il a fait d'autres films. Je crois que dans Ed Wood, qui n'est pas le film que je connais le mieux, j'ai dû le voir simplement deux ou trois fois, de Burton, je crois que la musique ne m'a pas particulièrement fait bondir en disant « Ah oui, mais ça serait mieux si c'était Elfman ». Aren't you scared, little boy? I'm going to drink your blood. Sur Ed Wood, Howard Shore, on aurait pu penser qu'Howard Shore marcherait sur les traces d'Elfman, parce que c'est toujours difficile pour un compositeur de débarquer comme ça, c'est un peu comme Quincy Jones sur La Couleur Pourpre, de débarquer dans un univers qui est autant balisé musicalement que... Et il s'en est sorti en revenant au style plutôt de Les Baxter, compositeur lounge des années 50-60, qui faisait beaucoup de mambo, et qui aurait pu être la musique qu'on entendait à l'époque sur des films à la Ed Wood. C'est quelque chose que Elfman aurait pu faire aussi, d'aller chercher comme ça dans son inspiration du côté de Les Baxter, ou Martin Denny, mais je pense qu'Elfman l'aurait plus symphonisé, entre guillemets, que ce que Howard Shore l'a fait. Chez Howard Shore, la référence devenait un peu mécanique. Là où chez Elfman, elle est plus organique, comme vous dit si bien. Excuse me. Could I get everyone's attention, please? Could you gather around? I've got something to say. Everybody, we're about to embark on quite a journey. 4 days of hard work. But when it's over, we'll have a picture that'll entertain, enlighten, maybe even move millions of people. D- Tim Burton avait déclaré qu'il n'envisageait pas de pouvoir faire un film s'il ne s'identifiait pas pleinement et émotionnellement au sujet. Et il insistait sur le terme émotionnellement. Comme si ses idées de mise en scène étaient vraiment générées par du pur ressenti. Parce que Burton n'a jamais été un vrai technicien de l'image, à la différence d'autres réalisateurs de blockbuster. Il trouve ses limites en fait dans sa mise en scène, par le fait que dès qu'il sort de quelque chose auquel il s'identifie, il devient entre guillemets mauvais. C'est très visible dans un film comme Batman Returns, où il y a des séquences qui sont d'une inspiration phénoménale, qui font suite à des séquences très très platement filmées. Et on sent vraiment les moments qui l'intéressent et ceux qui ne l'intéressent pas. Et je crois qu'ils se sont retrouvés avec Elfman autour de ça. Parce que Elfman est aussi quelqu'un qui semble être prioritairement guidé par les émotions qu'il ressent. Et donc, il est plus constant que Burton, puisque la musique de Batman Returns n'a pas vraiment de passage à vide. Mais les moments d'inspiration flagrante dont fait preuve Elfman, comme par exemple sur la séquence de naissance de Catwoman, pour laquelle il a réservé un de ses plus beaux thèmes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande technicité au départ. Il pense à Catwoman, il pense à un personnage qui est en train de souffrir et de hurler, il pense à des chats, et entre les chats et le hurlement, il y a le miaulement, et du miaulement, on passe au violon, et au violon, on passe à voilà, une espèce de sonorité un peu désagréable et grinçante, et là, tout d'un coup, le thème se construit à partir de là, en deux temps, d'abord ces grincements de violon, qui ensuite sont pris par cette espèce d'élan musical qui ultra romantique, très hermanesque, qui fait frissonner en accord avec les images à ce moment-là, lorsque Michel Pfeiffer se met à hurler. Donc, on sent vraiment des gens qui sont guidés par les émotions ressenties et qui font preuve, peut-être, je pense, de moins de technicité qu'un Spielberg et qu'un Williams. Oh, I forgot, I'm not married. Là, en fait, il est en train de mettre en place le thème de Catwoman qui va être utilisé tout le reste du film à partir des sonorités qu'on entendait quand on voyait les chats tourner autour du corps. Un peu le carnaval des animaux aussi, de Saint-Saëns, avec ses cordes tirées. Un peu, et là, on se rend compte, effectivement, qu'elle a des obsessions félines qu'elle n'avait pas avant. Et cette musique dissonante est absolument... absolument pas mélodique, est en train de devenir la mélodie du personnage. Voilà, la transition a été assez rapide. En fait, maintenant, le thème prend son envol, il est complètement mélodique et va le rester désormais jusqu'à la fin. Et pourtant, elle est encore plus anarchiste et chaotique Catwoman à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'Elfman décide que la musique ne l'est plus et devient plus harmonieuse. C'est une espèce de paradoxe. Bah, c'est pour ça que je parlais de Renaissance, c'est que ce ne sera pas du goût de tout le monde, ce qu'elle est devenue ne sera pas du goût de tout le monde, malheureusement, mais pour elle, c'est une façon d'abandonner toutes les frustrations qu'elle avait. Elle se reconstitue dans le... Une secrétaire brimée... timide, qui devient une espèce de punk en fait. Donc pour elle, c'est plutôt positif. C'est pour tous les autres que ça l'est pas. Et comme Elfman compose pratiquement toujours à partir de ce qu'il interprète comme étant les émotions du personnage pour lequel il va créer un thème, la scène est vue de son point de vue à elle, musicalement parlant. Mais ça, c'est pas uniquement ni dans Batman, c'est tous les scores de Danny Elfman. À partir du moment où on s'attache à un personnage, lui va toujours nous donner la voix intérieure du personnage. C'est un petit peu un lieu commun de dire ça en termes de musique de film, mais c'est quand même particulièrement marquant chez lui. Étonnant dans cette scène qu'on est en train de regarder, c'est que elle est en train de renaître, mais le thème est quand même assez triste, hein. C'est un thème quand même assez tragique. La musique raconte ce qu'on ne voit pas forcément. Enfin, elle hurle au début. En fait, le hurlement de Michelle Pfeiffer lance le thème principal de Catwoman. Et le Hello There qui était dans son appartement est devenu Hell Here. But I feel so much yummier. Là où c'est intéressant. Il y a un érotisme quand même de la musique d'Elfman. Hein, ce qui est intéressant, c'est la façon avec laquelle ces violons, qui étaient un petit peu grinçants, plaintifs, comme un miaulement de chat, finissent par se transformer en des violons qu'on pourrait entendre au détour d'un numéro de striptease. Oui, c'est plus rond. Ah ouais. Elsa Colombani. Ce qui est intéressant chez Burton, c'est l'omniprésence de la figure du monstre, avec tous ces personnages qu'on a fabriqués ou qui sont recousus, rafistolés. Il y a beaucoup de la présence de sutures chez Burton, avec Catwoman par exemple, qui se coud son costume elle-même. Le personnage de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui elle a été fabriquée par un docteur Finkelstein, donc référence claire là à Frankenstein. Et Edward, bien sûr, qui est la créature. Inventé, fabriqué. Il y a une influence assez évidente de l'expressionnisme allemand, qui lui vient là aussi du cinéma, je pense. Dans Batman, on a une allusion à Bacon, donc on peut penser que ça a été une influence assez grande, surtout qu'il y a souvent chez Bacon ce thème de la chair qui est coupée, divisée, tout ça. Donc ça, c'est un élément très important chez Burton aussi. Puisque c'est comme ça qu'il conçoit ses personnages, en fait. Et donc voilà, je pense qu'il s'amuse, en effet, à peindre un peu les personnages qu'il souhaite, même quand le maquillage n'est pas apparent. Par exemple, dans Sleepy Hollow, on voit que, de manière assez surprenante, c'est un des seuls films où Johnny Depp apparaît à peu près comme il est dans la vie. Mais pendant tout le film, il s'amuse à lui balancer du sang sur la figure, comme si Johnny Depp était sa toile un peu et qu'il s'amusait à confectionner ce qu'il en voulait, quoi. Moi, je pense que c'est un cinéma incarné. Je comprends qu'on puisse penser que c'est un cinéma artificiel parce qu'il y a un tel intérêt vers l'esthétique que beaucoup de gens ne voient pas ce qu'il y a derrière, en fait. Mais bien sûr, son intérêt esthétique vient avant tout que c'est un dessinateur. Il a toujours dessiné pendant toute son enfance, c'est un peu ce qu'il a sauvé, et il dessine absolument tout le temps. C'est comme ça qu'il conçoit ses personnages. C'est souvent un dessin qui va émerger. Par exemple, le personnage d'Edouard dans Edouard Main d'Argent, c'est un dessin qui a donné son origine à l'histoire. Et son utilisation des couleurs est assez intéressante parce que... Et là, on rejoint encore le gothique, c'est qu'il choisit son esthétique de prédilection, c'est une esthétique du sombre. Et généralement, quand il utilise des couleurs très vives, des couleurs très pastelles, c'est pour dénoncer une artificialité, justement. Donc là, c'est un exemple assez intéressant d'inversion du gothique qui, je pense, fait tout le cinéma de Burton. Où ce qui était inquiétant dans la littérature gothique et dangereux et à exclure devient son univers, un univers un peu sauveur, en fait, qui va le protéger et l'abriter. Attendez, monsieur. Pardon. Il nous reste une demi-heure. Ce qui est intéressant et ce qui donne aussi une image, à mon avis, à la musique de Elfman, c'est sa manière d'envisager la ligne mélodique. On a des ruptures, on a des résolutions mélodiques qui sont surprenantes ou en tout cas inhabituelles, qui vont donner une certaine courbe à sa mélodie, qu'on va pouvoir là aussi reconnaître. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre du carillon et de mettre des voix pour faire du Elfman. Je pense que Elfman, au fil des années, maîtrise un peu plus l'écriture orchestrale. Ou en tout cas la volonté de faire une écriture orchestrale. Cela dit, la musique de Alice n'est pas tellement éloignée de ce qu'il a pu faire aussi auparavant. C'est-à-dire qu'il garde son identité tout en ayant évidemment une évolution dans la manière d'envisager une musique avec peut-être avec plus de moyens finalement, qui lui permettent de pouvoir élargir sa palette de timbres, de couleurs. Mais à part le fait que les chœurs disent Alice dans la bande, on est dans le même type d'écriture que dans les autres où le chœur ne dit rien, mais avec toujours ce type de voix. C'est vraiment caractéristique de sa manière de faire. Les couples au cinéma, enfin en tout cas les couples cinéastes-musiciens, fonctionnent par affinité. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore évoqué la personnalité de Nino Rota dans les influences possibles de Herman, possibles et même fortement probables. Mais je crois que même si Burton d'ailleurs fait souvent référence au cinéma de Fellini, en trouvant que dans le cinéma de Fellini, il y a énormément de choses qui lui plaisent en termes de liberté, en termes de discours aussi bien cinématographique que de discours tout court. Et peut-être que la relation, en tout cas comme ça, à brûle pour point, entre Fellini et Rota serait peut-être celle que je verrais la plus proche de la relation Burton-Elfman. We had a connection with the kind of things that, you know, made it clear. Nous avons eu tout de suite une connexion autour du goût réciproque. Oui, on a grandi avec les mêmes références. On se sentait connecté spirituellement. Tout était alors simple. On avait les mêmes références de films de monstres qu'on avait vus quand on était gosse. Famous monsters, monster movie thing, you know. No, no, come on, the other way. Good horsey. Des axes de mes travaux en ce domaine, en tout cas dans la musique de cinéma, c'est cette idée de territoire et d'image sonore dans laquelle un certain nombre de territoires se croisent et se complètent surtout, en évitant le plus possible la redondance. Et si l'on prend par exemple la première séquence de Sleepy Hollow, elle est assez caractéristique de ça. On peut écouter la musique, je parle du générique jusqu'à la décapitation de Van Garrett. Dans la musique de Elfman, tout à fait dans son monde. Si on écoute la musique, la bande originale du film sur disque, tranquillement. Mais une fois mis avec l'image, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, notamment à partir du moment où le carrosse déboule à toute vitesse, on a évidemment le bruit des chevaux qui vient ajouter à tout ça, et puis ce bruit qui va symboliser ce qui est à venir, qu'on pressent mais qu'on ne voit que lorsque... En passant la tête par le carrosse, il voit son cocher décapité, c'est le bruit de l'épée. Ce bruit métallique qui vient ajouter en plus. À côté de ça, on a les images qui viennent s'ajouter à ça, et ce côté un peu dérisoire de cette tête d'Halloween, comme ça, qui est posée sur l'épouvantail, qui en même temps donne un caractère dramatique, et en même temps nous fait penser que tout ça reste du cinéma aussi. À aucun moment je n'analyserai la musique de film sans l'image. Ça, c'est déjà une certitude. Parce que ça me semblerait être pratiquement une hérésie. Je le dis tout le temps, je ne suis pas vraiment favorable au fait qu'on donne des concerts symphoniques de musique de film. D'abord parce que significativement, il faut toujours que les compositeurs réarrangent leur musique en suite instrumentale pour que ça ressemble à quelque chose, et parce que bien souvent, il y a des musiques dans les films qui ne sont pas faites pour être écoutées en dehors de l'image. C'est-à-dire qu'elles ont un sens parce qu'il y a l'image, et l'image prend un sens parce qu'il y a la musique. crois que la musique de film, elle n'est pas là simplement pour être un fond qui occupe l'espace. Elle est là aussi pour donner une lecture. Et que cette lecture-là, elle doit être audible, même si elle est audible de manière inconsciente. Lorsque vous regardez un film, écoutez un film. Ce qui est significatif, en tout cas dans le cinéma sonore, c'est qu'avant, dans le cinéma muet, la musique était omniprésente et que le cinéma sonore nous a donné le choix du silence. Et que le choix du silence, c'est quelque chose qui permet de donner une dimension supplémentaire à ce qui est sonore. Les grands silences, ça n'est ni Elfman ni Burton, mais je re-regardais encore l'autre jour M. le Maudit. Il y a de grands, qui est un film qui n'a pas de musique, qui n'a pas de musique du tout, à part le petit thème qui est chanté par justement le meurtrier. Mais il y a de grands moments où il n'y a pas de son du tout, et où c'est justement l'image sonore, un sifflet de policier, qui va redonner une dimension supplémentaire à l'ensemble, alors qu'on est resté 30 secondes, une minute, sans aucun son. Hello. Why are you hiding back there? You don't have to hide from me. I'm Peg Boggs. I'm your local Avon representative, and I'm as harmless as cherry pops. Oh my. I can see that I've disturbed you. How stupid of me. I'll just be going now. Don't go. What happened to you? I'm not finished. Oh! Put those down. Don't come any closer. Just please. Une des marques du style de Tim Burton, c'est d'avoir su trouver ce parfait équilibre entre l'héritage du cinéma d'épouvante et d'angoisse des années 50-60 et le caractère foncièrement poétique que ce cinéma avait pouvait revêtir pour ceux qui acceptaient de le regarder sous cet angle-là. Et le personnage d'Edouard est la, comment dire, la consécration de cet équilibre, parce qu'il a un look parfaitement SM, il devrait faire peur, et en même temps, le regard d'une poupée de porcelaine. Et c'est l'homme le plus gentil du monde. Donc, cet esprit-là, il définit assez idéalement le Tim Burton de l'époque, ce jeu d'équilibre entre l'émerveillement autour des choses angoissantes. On connaît la fascination de Burton pour les cimetières, on sait qu'il allait jouer dans un cimetière quand il était petit. Il a toujours refusé en fait la peur très américaine et même européenne, la peur de la mort. Il ne trouve pas que la mort fait peur, il trouve que ça devrait être quelque chose de très joyeux. Et c'est ce qu'on voit en effet dans tous ces films, tous les films qui représentent la mort, où il y a un côté des personnages qui est mort, dans Les Noces Funèbres par exemple. Dans Les Noces Funèbres, les morts sont beaucoup plus vivants que les vivants. C'est le côté de la vie qui est complètement morne et sans couleur, alors que le monde des morts est très joyeux, a des tonalités de jazz et tout ça. Donc c'est très présent. Et les squelettes, je pense que c'est donc en fait un élément fondateur de l'univers de Burton. Et que quand ils ne sont pas là, ça lui manque. Au début de Frankenweenie, on voit le joli château Disney, donc le logo Disney qu'on voit avant tous les dessins animés, qui apparaît et qui tout d'un coup devient noir et le ciel est brisé par les éclairs et la pluie. Et donc là, c'est vraiment le joli petit monde rose de Disney qui devient un monde sombre et gothique qui est celui de Burton. sweater. Pour rester dans le conte de fées, un autre exemple d'inversion du conte de fées qui est assez amusante, c'est l'inversion que Burton fait entre le masculin et le féminin. Donc par exemple, dans Sleepy Hollow, on a Ichabod qui est en fait joué par Johnny Depp comme une petite fille, une jeune fille de 13-14 ans, comme il dit, qui hurle quand il voit une araignée, qui a la voix qui monte dans les aigus, qui a le teint très pâle, vraiment comme une jeune fille anglaise, et qui s'évanouit dès qu'il voit un peu trop de sang. Et en face, on a Katrina qui, elle, remplit le rôle masculin. Donc c'est elle qui va prendre toutes les initiatives amoureuses. C'est elle qui donne le premier baiser, c'est elle qui donne le dernier. Et ça rejoint, par exemple, le personnage de Kim dans Édouard Romain d'Argent, qui, elle aussi, aura l'unique et seule initiative amoureuse du film. Au moment où elle lui demande de l'enlacer et il n'y arrive pas, donc c'est elle qui le fait. Guess where I'm going next week? I don't know where. Mexico. Guess what I'm doing when I get there? I don't know. Lie on a beach. Wrong. I'm getting my first series of hormone injections. When those girls kick in, they're gonna take out my organs and make me a woman. Are you serious? It's something I've wanted to do for a long time. But it wasn't until I saw your movie that I realized I have to take action. Goodbye, penis. Please keep it down. You're super, sweetest angel! What have I done? How could I be so blind? All is lost. Where was I? Spoiled all, everything. What have I done? Find a deep cave to hide in. In a million years they'll find me. Only dust and black. That reads, here lies poor. La différence, par exemple, entre un film gothique simple et un film de Tim Burton, c'est que Burton, on reconnaîtra immédiatement que c'est lui, par le générique, en effet, par exemple, qui est vraiment une marque de fabrique, mais aussi par cet univers où on retrouve très souvent les mêmes personnages, les mêmes figures, les mêmes thèmes. Je pense, par exemple, à ce qui est central chez Burton, c'est... toujours sur le thème de l'inversion, cette idée que la monstruosité en fait se trouve dans l'humanité, alors que le monstre, lui, est humain. Ce sont des films qui mettent en scène des freaks déjà, c'est-à-dire des gens qui sont pas intégrés à la société. La société est généralement vue sous, pas forcément sous un angle critique, mais avec une perspective légèrement de l'extérieur. C'est le regard que pourrait avoir un itinérant lorsqu'il traverse une banlieue américaine qu'il n'a jamais vue de sa vie et qu'il en découvre les gens. Voilà. Et les personnages de ces films-là, sont, en plus d'être des frics, se donnent en spectacle d'une certaine façon. Maybe we can cut a deal. Jack. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. What a day. Burton s'amuse à pervertir un peu le conte de fées. Et d'ailleurs, il y a une citation très intéressante de ce point de vue dans Batman le défi, puisqu'un petit peu avant, Catwoman dit à Batman, qui essaye de la convaincre de redevenir Selina et de revenir dans une vie normale. Et elle lui dit quelque chose comme J'aimerais tant venir vivre avec toi dans ton château, comme dans un conte de fées. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même, donc ne fais pas comme si c'était un happy end. Et donc là, c'est vraiment Burton qui dit... c'est vraiment une adresse directe au studio et je pense dirigée contre Disney particulièrement, puisqu'il avait une expérience si pénible chez Disney, qui dit « Je ne ferai pas de happy end, je ne ferai pas ce que vous me demandez, c'est mon film et je resterai fidèle à ma vision. » An eerie world of imagination comes to life before our eyes as we go behind the scenes to discover the magic and mysteries of the stop-motion animation classic, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Burton a traîné chez Disney, il a eu tout un tas de choses quand il y travaillait qui ont été refusées ou en tout cas mises de côté parce que ça ne correspondait pas à ce que Disney voulait. Et je pense que le film aurait moins fonctionné si on était allé du côté de Broadway. C'est-à-dire que le fait de refuser Broadway, c'était aussi ne pas le catégoriser, ne pas l'identifier, lui donner une dimension nouvelle, lui donner une image sonore, encore une fois, qui était différente. Et mettre de la musique, j'allais dire, disneyienne sur un film de Burton comme celui-ci, ça aurait été vraisemblablement une erreur. Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. I don't know which is worse. I might just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time you hear the boogie song. Whoa. And I've nothing much to do. I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa. Whoa. Daddy? Yeah, I guess so. Just like last year. And the year before that. And the year before that. Ce qui est important de savoir, c'est que L'étrange Noël de Monsieur Jack a été conçu vraiment comme un opéra, en fait, par Burton et Elfman. C'est-à-dire qu'ils avaient en gros le fil de l'histoire et ils ont écrit simultanément la musique, les paroles des chansons et le scénario en même temps, en fait. Donc c'était vraiment... C'est quasiment un film qui est basé sur la musique d'Elfman, je pense. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que, en plus d'être un compositeur, c'est un chanteur aussi très impressionnant et un acteur aussi parce que donc il joue Jack vraiment. Et ce que j'aime beaucoup dans les chansons et ce qui dépasse un peu la simple comédie musicale où voilà les dessins animés où les personnages se mettent à chanter et tout ça, c'est que les chansons sont vraiment incarnées. On sent que les acteurs et les chanteurs veulent continuer à jouer même en chantant. Et donc ça, c'est vraiment très impressionnant et c'est quelque chose qu'il refera sans Elfman pour le coup, mais avec Stephen Sondheim dans Sweeney Todd. Donc cette volonté de continuer à jouer et incarner le chant de manière vraiment très particulière. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones, I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be? I got my wish. What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. Tim Burton vient du monde de l'animation. C'est un monde qui n'a jamais hésité à reconnaître l'importance que la musique avait dans l'impact sur le public. Que ce soit à travers le studio Disney ou la tradition des Carl Stalling, etc. C'est assez inconcevable que des compositeurs aussi jeunes aient à leur disposition autant de moyens. C'est pour ça que la musique de film est quelque chose qui peut attirer un compositeur qui a envie d'expérimenter des choses. C'est que vous avez, à même pas 30 ans, vous avez accès aux meilleurs orchestres, mais donc aux meilleurs musiciens. Vous pouvez réclamer n'importe qui. Si vous avez entendu un obscur musicien irlandais qui vous a fait frémir, le studio vous le trouvera et vous le fera venir pour même pas 2 minutes d'enregistrement. Donc il y a aussi ce luxe incroyable dont il bénéficie. En fait, je pense que pour Burton, la création, c'est juste un moyen de s'en sortir et que c'est pour ça que tous ces personnages sont des créateurs. C'est que c'est un moyen de survivre dans une société où on demande à tout le monde d'être conforme à la règle et à tout le monde de rentrer un peu dans le rang. À la fin, elle devient une businessman. Oui, c'est ça. C'est qu'on laisse de côté le pays imaginaire de l'imagination, simplement pour faire du fric. C'est explicité. Hein, c'est ça l'idée. Dans Alice au Pays des Merveilles, c'est clairement dit dans le texte du film qu'il faut laisser tomber l'affaire et arrêter de rêvasser. Venant de la part de celui qui fait un saltimbanque, ça fait un peu mal au cul. My dearest friend, if you don't mind, I'd like to join you by your side, where we can gaze into the stars and sit together now and forever, for it is plain. Danny Elfman et Tim Burton, deux saltimbanques à Hollywood. Avec Elsa Colombani, doctorante à Paris 10 Nanterre. Olivier Desbros, rédacteur en chef à Underscore. Rafik Djoumi, critique de cinéma. Philippe Gonin, maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Et les voix de Tim Burton et Danny Elfman. Avec aussi Batman, Catwoman, Charlie, Victor, Mr. Jack, Edward, Beetlejuice, Ed Wood, Alice et tous les autres. Prise de son, François Rivalan. Mixage, Bernard Laniel. Attaché de production, Inès De Bruyne et Alice Ramon. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire d'Alexandre Tutski et Véronique Lamandou. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 janvier 2013. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.